La mise en onde est assurée par Riku Imana. Bonjour amis auditeurs, auditrices de la radio Isanganiro, bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce mardi 29 décembre 2020, dont on va essayer d'abord la charpente. L'ancien terrain de l'association de football de Bujumbura est actuellement occupé par des champs de maïs et de légumes et de fruits. Malgré le contrat de vente entre le gouvernement burundais et la société automobile Toyota, signé en 2013, Gitega demande que ce contrat soit appliqué à la lettre. Vous en aurez les détails tout à l'heure. La prière ne devrait pas se limiter aux paroles, mais doit plutôt entrer en action. Propos de Mgr Simon Hamwana, archevêque de Gitega, lors de l'ouverture de ce lundi de la prière organisée par la famille présidentielle. La prière au cours de laquelle le président burundais a demandé pardon au nom de toute la nation burundaise pour tout le mal commis. Et à Gisozi, nous sommes en France, Mgaro, on rapporte le manque d'eau qui fait que les habitants se rabattent aux eaux des vallées. Dans la chronique santé, l'on va vous parler du traitement des sinusites. Et voilà pour l'essentiel. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonjour. Certains habitants de la mairie de Bujumbura disent qu'ils ne sont pas au courant de la distribution de nouveaux cahiers de ménage. D'autres parlent de l'insuffisance de points de paiement pour l'obtention de ce cahier. Certains administratifs à la base en commune de Mokadza demandent une large diffusion de l'information auprès des citadins. Le point avec Armel Motori. L'activité de distribution du nouveau cahier de ménage n'est pas bien connue par la population, comme l'indique cet habitant de la mairie de Bujumbura. Je ne suis pas au courant de l'existence de ce nouveau cahier de ménage. Peut-être qu'il existe. Cet autre habitant dit qu'il vient d'apprendre la nouvelle. C'est pas tout le monde qui est au courant de son cahier de ménage. Par exemple, moi, je viens de la France aujourd'hui même par le biais du club de quartier. Et si c'est urgent de s'en procurer, cela serait difficile pour moi. D'après cet autre citadin, la procédure d'acquérir ce cahier de ménage serait un casse-tête. Je suis parmi les premiers à se rendre à une banque pour payer ce cahier. Mais il y avait un long suite d'attente. On pouvait passer entre 4 et 5 heures. Ça, c'est un problème. Le chef de quartier Mutanga Sud, en commune Mukaza, demande qu'il y ait une sensibilisation de la population. Nous avons tenu des réunions pour informer la population sur ce nouveau cahier de ménage, mais peu de monde y ont participé. Nous demandons qu'il y ait des communications sur les ondes des radios, dans les églises, pour une large diffusion. Cela va aider à ce que la population vienne s'en procurer, d'autant plus que l'ancien cahier est devenu invalide. Ce nouveau cahier de ménage va être utilisé dès le début de l'année prochaine. La validité de l'ancien aura donc expiré au 31 décembre cette année. Société toujours, les batois de la commune de Mutaho exhortent d'autres batois qui vivent de la mendicité d'abandonner cette pratique qui, selon eux, entache toute la communauté batois. Ces batois confirment qu'ils peuvent concevoir des projets de développement et donnent l'exemple du lycée moderne dénommé Espoir de Nyangungu. Sur ce lycée, les enfants batois étudient gratuitement ce que les parents considèrent avantageux. Fidèle d'Antoine Sabimana. Un des grands projets initiés par ces batois, c'est la construction d'un lycée dénommé Espoir, situé au milieu du site des batois de Nyangungu, Butoyi Rock. Un des animateurs des batois nous explique comment ils ont pu réaliser cet exploit. Nous avons pensé au passé de nos ancêtres et nous avons commencé à la sensibilisation des batois d'ici à ceux de Ruhororo pour la fabrication des briques et un bienfaiteur nous a appuyé et nos enfants ont commencé l'école. C'est après cet exploit qu'ils ont vu qu'ils peuvent et ils ont commencé à lutter contre la mendicité que font certains batois, comme le dit Ruchobre Salvatore, un mobilisateur communautaire du site de batois de Nyangungu. Nous avons combattu la mendicité. Aucun batois d'ici ou celui de Ruhororo qui mendie. L'estime de soi chez ces batois a fait qu'ils sont bien respectés par d'autres communautés jusqu'au mariage mixte de toutes les communautés environnantes. Les mariages mixtes, c'est fréquent. Moi, j'ai 4 petits-fils. Issu de Bahutu et mon fils est marié à un Mutukazi, ils ont 6 enfants. Ils ont légalisé le mariage et ça se passe comme cela ici chez nous. Pour ceux qui disent que les Batois aiment tellement la viande, pour ne pas élever ces Batois, ne l'entendent pas de cette oreille, comme l'explique Kaden Joseph. Si tu lui donnes sans formation, il va bouffer, mais en cheptel avec une sensibilisation, il ne paie pas. Nous sommes conscients. Les élèves Batois qui terminent le cycle post-fondamental à l'école Espoir de Nyangungu réussissent exemplairement à l'examen d'État. L'année scolaire passée, les élèves Batois ont réussi en 100% à l'examen d'État, comme le confirme Kitambara Mupenge, directeur du lycée Espoir de Nyangungu. De 2020 à 2021, nous avions présenté 2 candidats Batois et tous les deux ont réussi. Dans nos reportages à venir, on va vous parler de la bonne cohabitation intercondisciplinaire à ce lycée, ainsi ce qu'il trouve original au lycée Espoir de Nyangou. Merci, fidèle d'Antoine Sabimana. Après une courte pause, parlons infrastructure. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 13h02 dans les studios de la radio Isanganiro, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre via le www.isanganiro.org. Infrastructure, comme je vous le disais tout à l'heure. Les habitants de la 8e transversale Chibitoke, dans la localité communément appelée B13, sont menacés par des étangs d'eau en provenance des 7e et 8e transversales Chibitoke. Ces habitants estimés à 100 demande la construction d'un grand canal pouvant évacuer ses eaux vers la rivière Rusizi. Ils craignent des maladies de mains sales puisque leurs latrines sont également inondées par ces eaux. Le conseiller de l'administrateur de la commune, Rugombo, chargé des affaires administratives et sociales, indique que l'administration communale est en train de demander de l'assistance sociale pour ces personnes sinistrées. Alexis Ndailagiche. Ces eaux qui menacent environ 100 personnes de la 8e transversale dans la localité communément appelée B13 proviennent des eaux de pluie des localités de haute altitude de 8e et 7e transversale Chibitoke. Ces eaux donc arrivées dans cette localité forment des étangs, des fois infiltrent les maisons qui finissent par s'écrouler. Pour le moment, certaines personnes ont préféré déménager, d'autres restent avec inquiétude qu'elles peuvent être contaminées par les maladies de mains sales, surtout que les latrines sont inondées par ces eaux. Les sinistrés de ces eaux demandent qu'un canal soit installé afin que ces eaux soient évacuées vers la rivière Rusizi, tout en indiquant qu'ils ne sont pas mesurés de construire ce canal d'évacuation. Le conseil de l'administrateur de la commune Rugombo, chargé des affaires administratives et sociales, affirme que l'administration communale est au courant de cette situation. Néanmoins, Firmé Abumremi précise que la commune n'a pas de fonds pour répondre aux sollicitations de ces personnes, mais que l'administration communale est en train de toquer ici et là afin que la solution soit trouvé. Depuis Chibitoke, Alexine Dairagje, Radio Isanganiro. De Chibitoke, revenons à Bujumbura, l'ancien stade association de football. De Bujumbura est occupé par des champs de maïs, des arbres fruitiers et des fleurs, et clôturés à l'aide des tôles. Le gouvernement burundais avait vendu cette propriété à la société automobile Toyota à une somme de plus de 4 milliards de francs burundais. Pour la construction d'un hôtel de 2 tours jumelles, précise le contrat de vente de ce terrain signé le 8 février 2013, Mireille Kanyak. L'ancien stade des AFB est situé entre le boulevard du peuple Murundi et l'hôtel Source du Nil à côté de Ego Hôtel. Des tôles trouées à quelques endroits entourent cet espace. Jetant un coup d'œil à l'intérieur, l'on parvient à voir une verdure faite de champs de maïs, des arbres fruitiers, notamment les manguiers et papayers, des fleurs et des herbes de différentes natures et du haricot récemment récolté. Malgré cet état de fait, le contrat de vente signé vendredi 8 février 2013 entre deux ministres, celui de la bonne gouvernance et celui des travaux publics, représentant le gouvernement burundais d'une part et le président directeur général de Toyota Burundi d'autre part. Cette société s'était engagée d'y ériger différentes infrastructures. C'est notamment un hôtel connu sous le nom de Blue Tanganyika Complex qui devrait comprendre 2 tours jumelles de 15 niveaux chacune avec une capacité de 156 chambres chambres, 29 appartements VIP, une salle de conférence aux normes internationales, 2500 places assises, un espace multiculturel, 2000 places assises, des infrastructures sportives et culturelles, un parking souterrain d'une capacité de 500 véhicules et un parking réservé aux transports en commun. À cette époque également, le ministre ayant la bonne gouvernance dans ses attributions avait précisé que le stade des AFB était une propriété de l'État du Burundi. Lors de la signature de son contrat de vente, le PDG de Toyota Burundi a affirmé que les travaux allaient durer au plus 3 ans et coûteraient 90 millions de dollars américains. Merci Mireille Kanyanga. Entre-temps, le Conseil des ministres de jeudi dernier a recommandé l'application stricte de son contrat de vente entre le gouvernement burundais et la société Toyota. Suivez Prosper Nagwami, secrétaire général d'État, qui a lu le compte rendu de son Conseil des ministres. Note relative à la mise en valeur du terrain abritant le stade AFB. Cette note a été présentée par le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements sociaux. Cette note est présentée après le constat que la société Toyota, qui a acheté ce terrain depuis février 2013, ne l'a pas mise en valeur, alors que le contrat stipule que les travaux de construction devaient débuter dans un délai ne dépassant pas un mois. Les membres du gouvernement ont recommandé aux ministres concernés de déclencher immédiatement la procédure administrative de mise en demeure à l'acquéreur de ce terrain, en l'occurrence Toyota Burundi, en se référant aux clauses du contrat et de tenir le gouvernement régulièrement informé sur l'évolution du dossier. Prosper Nagwamiye, il est secrétaire général d'État et porte-parole du gouvernement. Un cœur rendant grâce à Dieu devrait se caractériser par des soucis aux plus faibles. Lors de l'ouverture de la prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle depuis ce lundi, Monseigneur Simon Namwana, archevêque de Gitega, a ajouté que la prière ne devrait pas se limiter seulement aux paroles. Au cours de l'intercession, le président de la République a demandé pardon au nom de toute la nation burundaise pour tout le mal commis. Vestine Boutoy pour plus de détails avec des propos recueillis par Gérard Nibigir. Lors de cette prière d'action de grâce organisée par la famille présidentielle à Gitega, l'archevêque de Gitega Simon Namwana, dans son homélie, a défini ce que devrait être un cœur censé rendre grâce à Dieu. Un cœur rempli d'action de grâce, un cœur ayant une reconnaissance véritable envers autrui, se manifeste par la préoccupation envers les plus faibles et les innocents. Il a ajouté que la prière ne doit pas se limiter aux écrits, comme c'est mentionné dans la constitution burundaise, au lieu de la pratiquer dans la vie quotidienne. Mettez réellement Dieu à la première place, que cela ne soit pas seulement consigné dans la constitution. Appliquez-le dans votre vie quotidienne. Ainsi, vous ne nous ferez pas chavirer dans le fossé, l'ayant aperçu de loin. En se basant sur la persécution faite par le roi Hérode contre tous les enfants aînés, en voulant tuer le roi qu'il a entendu naître et qui, à son avis, pourrait être son successeur, Monseigneur Simon Namwana a souhaité qu'un tel cas ne puisse arriver au Burundi. Et si celui-ci s'est déjà arrivé, qu'il ne se reproduise plus, car c'est une malédiction. Pendant la période de l'intercession, le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, s'est prosterné devant Dieu en lui demandant pardon au nom de la nation pour tout le mal commis. Je me prosterne devant toi en demandant pardon au nom de tout le peuple burundais et à mon nom propre. Nous avons péché contre toi pas mal de fois au cours de cette année qui touche presque à sa fin. Mais nous implorons ta bonté afin que tu nous pardonnes pour tous les maux que nous avons commis devant tes yeux. Il a également offert à Dieu tous les projets que le pays compte réaliser au cours de l'année prochaine et qui seraient bénéfiques pour tous les citoyens. Cette prière a débuté depuis ce lundi. Merci, Vestine Buto. Il s'observe des eaux usées en provenance d'un regard se trouvant derrière la banque tanzanienne CRDB Bank, qui se déverse dans la rue au centre-ville de Bujumbura. Ceux qui exercent leurs activités dans les environs craignent des éventuelles maladies liées au manque d'hygiène. Ils demandent aux services concernés la réparation de ce regard. Le point avec Moïse Misago qui a visité le lieu. Son regard qui déverse ses eaux usées se trouve derrière la clôture de la banque Sierra Dibi. Ses eaux usées coulent dans la rue passant derrière la banque au bout et la clôture de la Croix-Rouge. Ceux qui travaillent dans cette localité déplorent le manque d'hygiène qui s'y observe. C'est trop violent. Personne n'est pas uniquement pour nous. Même certains agents de la banque sont gênés. C'est déplorable. Ce sont des eaux de toilette qui s'y déversent. Ça dégage une odeur nauséabonde. Ces eaux coulent jusque-là, en bas, en face de la microfinance, Unitech, puis se jettent dans les caniveaux qui sont là. Ces habitants indiquent que les autorités administratives à la base ont déjà visité le lieu, mais rien n'a été fait jusque-là. Cette situation ternit l'image de la ville de Bujumbura, regrette-t-il. Le chef de quartier et le chef de zone d'ici ont visité le lieu. Nous avons espéré qu'ils viennent pour trouver des solutions à ce problème, mais rien n'a été fait. Pour l'image du pays, ce n'est pas bon de voir des eaux usées qui courent devant les bâtiments comme ceux de la banque au bout jusqu'à là en bas, dans les caniveaux devant la microfinance Mitec. Ils craignent des maladies liées au manque d'hygiène. Là où passent des eaux de toilette, les craintes ne peuvent manquer, car vous savez que les gens peuvent attraper des maladies à cause de cette odeur nauséabonde. On peut tomber malade. Ces habitants de la ville de Bujumbura demandent aux autorités administratives et ceux en charge de l'hygiène à mairie de Bujumbura de trouver des solutions à ce problème. Merci Moïse et Misago. Manque d'eau potable au chef-lieu de la commune de Gisozi en province de Mwaro. Les ménages et les services disent être obligés de se rabattre à l'eau qu'ils puisent dans les vallées environnantes. De Gracias Nahishaki, administrateur de la commune de Gisozi, explique que ce problème est dû au dysfonctionnement du réseau d'eau construit il y a plus de 10 ans à partir de la commune de Mugamba en province de Bururi. Tout de suite, chronique santé. Radio Isanganiro, chronique santé. Le traitement des sinusites dépend de sa cause et de la gravité de la maladie. Le médecin spécialiste en oryngologie, Cyril Nyonghuru, avait précisé lors de la précédente chronique qu'elle se caractérise par l'infection de la muqueuse touchant les sinus et que cette infection peut être de différentes origines, mais souvent virales ou bactériennes, au Runeramuchu. Le traitement de la sinusite peut être symptomatique. Selon l'otorino-laryngologue Cyril Nyonghuru, ajoute aussi le traitement des fosses nasales chez la personne qui souffre de la sinusite. La sinusite aiguë, la prise en charge vraiment est médicale. La sinusite chronique, c'est aussi bien médicale que chirurgicale. La thérapie, ça dépend aussi de l'étiologie. Surtout là, ce sont des sinusites d'origine bactérienne, ce sont les antibiotiques d'abord. Pour donner une bonne dose d'antibiotiques, d'antibiothérapie, en fonction bien sûr des germes auxquels on pense, mais aussi il faut traiter au niveau des fosses nasales. Fosses nasales, il y a des produits qu'on donne localement, antivirisation, on peut même donner des corticoïdes, ça peut soit, il y a des analgiques, je vous ai dit qu'il y a la douleur, la lipidétique se trouve chez les enfants. La chirurgie peut être proposée en cas de sinusite chronique. En cas d'une sinusite chronique, les techniques chirurgicales sont prévues. Même dans le cas de sinusite aiguë, il y a du pus, l'acte chirurgical qu'on peut faire pour aller bien sur qui se trouve au niveau des sinus. La maladie peut se compliquer et l'infection des sinus peut se propager vers les yeux ou le cerveau. Il y a beaucoup de complications des sinusites parce que je vous ai dit que les sinus sont un rapport direct avec l'œil et l'orbite. Il y a des complications au niveau de l'œil, mais aussi avec le cerveau, n'est-ce pas? Les complications, ce qu'on appelle les complications endocraniennes. Je donne un exemple, une méningite, par exemple. Une méningite, c'est une complication très grave qui peut emporter le malade. Prévenir les allergies ou éviter de fumer ou de s'exposer à la fumée de tabac sont certains moyens de se prévenir contre les sinusites. Il faut agir au niveau des fosses nasales. Je vous ai dit que les germes proviennent soit des fosses nasales, soit de la cavité buccale au niveau des dents, ce qu'on appelle les dents sinusiennes. Donc, il faut agir d'abord au niveau des fosses nasales, mais aussi au niveau de la cavité buccale. Quand il y a une rhinite, il faut bien prendre en charge cette rhinite. Quand il y a une carie dentaire, il faut bien prendre en charge la carie dentaire pour éviter justement que ça ne évolue pas vers la sinusite d'origine soit nasale, une sinusite d'origine dentaire. Une sinusite aiguë dure moins de 4 semaines. Au-delà de 12 semaines, on parle d'une sinusite chronique. Merci, Ornella Mocho. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Riku Imana qui l'a mise en onde. Et d'une belle nuit, j'étais à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Au revoir.